Le voilà, elle est là, Marie-Lyon, Brave. Never love. Lost sound, lost. BBC Productions et Radio Brume présentent Sinclair en concert. Le 23 février à 20h30 au Globe, avec en première partie les Lyonnais de Charlie Red. Sinclair et Charlie Red au Globe le 23 février à 20h30, prix de l'entrée 65 francs. Le Globe, c'est 63 quai Gillet dans le 4e arrondissement, alors amis de la funk, venez nombreux. Voilà un court extrait de Marillion, on y reviendra. Brave, donc, ça s'intitule. C'est en vente dans toutes les bonnes boucheries et c'est superbe. Enfin, un album de progressif. Marillion retourne à ses amours, ses anciennes amours, et c'est bien agréable. Enchaîné avec Marillion, et bien Shadowland, et je pense que l'élève est à la dimension du professeur. Shadowland, le groupe de Clive Nolan, c'est une nouveauté. Through the Looking Glass, c'est superbe. Édité, c'est une nouveauté. Édité par SI. Voilà, on va continuer notre petit voyage à travers le néo-progressif, c'est-à-dire les nouveaux progressifs, avec un groupe de Clive Nolan, un de plus. Ça s'intitule Strangers on a Train. C'est une réédition de chez SI. Voilà, c'est carrément superbe aussi. Strangers on a Train, les étrangers dans le train. Thank you. Il est 11h25 et c'est le moment des news sur Bande à part. News tout d'abord avec les concerts. Concert de Pendragon à l'école des TPE, ça se trouve à Vaux-en-Velin le 21 avril. Six jours après, c'est Marillion qui vient dans notre bonne ville. Marillion en concert le 27 avril, avec en première partie un jeune américain, John Wesley. On reviendra là-dessus la semaine prochaine, non, le mois prochain, la prochaine émission, je vous donnerai plus amples détails, on réécoutera le dernier Marillion et le dernier Pendragon. Côté magazine, c'est la pleine forme. Rockstyle, donc je l'indiquais lors de la dernière émission, a sorti un numéro 2 superbe avec en couverture la belle Kate Bush. Et il prépare un numéro 3, Scoop, avec interview de Ian Anderson, le chanteur flûtiste de Jethro Tull. Interview de Marillion, c'était tout à fait de circonstance. Interview et story de Peter Ami, le mentor de Vandergrave Generator. Numéro 3 à paraître dans une petite dizaine de jours, à vos porte-monnaies et à vos kiosques. Côté fanzine, Big Bang, le fanzine de Marseille, sort un numéro 3 splendide, plus d'une quarantaine de pages, qui croule de chroniques bien sensées, de critiques et de stories. Big Bang, indispensable à votre culture. Enfin, je conclue avec le catalogue Muséa. Catalogue Muséa vient de paraître. Et c'est une superbe nouveauté. Le catalogue Muséa contient sur une cinquantaine de pages tout ce que vous cherchez à connaître sur le rock progressif, magazine, mais aussi surtout production Muséa et enfin importation. Ce catalogue Muséa, je vous l'offre, il est gratuit, il suffit de m'appeler au 78 89 45 05, 78 89 45 05, vous laissez votre nom, votre prénom, votre adresse et on vous l'envoie gratuitement. Catalogue Muséa, donc, à votre disposition. Voilà pour la séquence news du mois. On va continuer dans nos nouveautés. Donc, on a entendu à l'instant Strangers on a Train. The Key, c'était le titre de l'album. Une réédition chez SI. Un deuxième groupe du père Clive Nolan. Je rappelle pour les néophytes et les béotiens que c'est le claviériste de Pendragon. Dans ce groupe chante la belle Tracy Hitchkings. Eh bien, elle a continué à chanter et à frapper de son sceau. Le morceau qui suit dans un groupe anglais qui s'intitule Ulysses. Non, ils sont pas anglais, ils sont allemands. Ulysses de Ulysse. Neuronia. Neuronia, c'est leur nouvel album, c'est leur premier album. Et la belle Tracy, donc, les aide sur les backing vocals du morceau Lost in This World. Ulysses sur le 90.7. Ulysse. Before time to enter out the club. Lorien, une nouveauté de chez SI, produite également par Clive Nolan. Play the dead out.